Iman. Bonjour à vous tous, merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Nous sommes le 15 septembre 2021. Voici les grands titres de cette grande édition. Le Premier ministre burundais demande aux responsables des sociétés publiques ou à participation publique d'inventorier les dettes que lui doit l'État du Burundi. Alain Guillaume Wignoni les a rencontrés hier. Les administratifs à différents échelons avouent ne pas pouvoir lutter efficacement contre les boissons prohibées. Pourtant consommé, au vu de tout le monde, le maire de la ville de Bujumbura promet de s'impliquer. 10 matelas pour 200 élèves dans les écoles à régime d'internat. Voilà la situation à Bubanza, des élèves qui se voient obligés de s'en acheter. Et dans la chronique « Parler rassure-moi », un sociologue nous montrera que même si l'estime de soi n'est pas mauvais en soi, se surestimer conduit par contre à déshumaniser l'autre par des messages violents. C'est dans la chronique « Parle et rassure », moi je le disais, voilà pour le sommaire. Isanganiro, la radio de l'avenir. Rebonjour. Les sociétés publiques et la participation publique sont appelées à identifier toutes les dettes que leur doit l'État du Burundi. C'est une recommandation du Premier ministre Alain Guillaume Wignoni ce mardi lors d'une réunion avec les responsables de ces sociétés. Le Premier ministre a prévenu tous les responsables qui détournent les deniers publics. Les détails avec Lydie Gahimbari. Ces responsables des sociétés publiques et celles à participation publique accusent l'État en endettement élevé envers ces sociétés. Au nom de ces dernières, Charles Dagjimana trouve que ces dettes constituent un défi majeur pour la rentabilité de leur société. Pour lui, l'État devrait changer son comportement. L'autre difficulté que l'on fait face sont les créances que nos entreprises détiennent sur l'État. Pour la plupart, nous comptons des milliards que nous doivent l'État. Et ces milliards sont des fonds qui nous aideraient à bien rentabiliser, à améliorer la santé financière de l'entreprise. Là, c'est pour vous dire, mesdames et messieurs, le Premier ministre, que les efforts qu'il faudra faire, il faudra aussi les orienter aussi vers l'État pour qu'ils changent de comportement, qu'ils se comportent comme un investisseur qui a besoin de gagner. À ces dettes que les responsables de ces sociétés accusent à l'État, le Premier ministre Alain Guillaume Wignoni invite ses responsables à faire un inventaire de toutes les dettes que l'État doit envers les sociétés publiques et para-étatiques qu'ils soient remboursées. Il faut totaliser toutes les dettes que l'État doit envers les sociétés, que ce soit les privées ou publiques. Ce que nous vous promettons, les dettes de l'État, on va se forcer à les rembourser. Il faut seulement prouver que ce sont des dettes de l'État, surtout la régie des eaux qui nous amène des documents qui ne sont pas clairs, sans précision, alors qu'elle peut utiliser un système informatique pour sortir des factures claires. Mais elle nous amène des rouleaux de papier difficilement exploitables. Il faut comptabiliser toutes les dettes que l'État doit à vos sociétés pour que vous soyez remboursés, car ce sont ces fonds qui peuvent être utilisés dans certaines opérations. Le Premier ministre Alain Guillaume Wignoni prévient les responsables qui détournent les fonds de ces sociétés. Lydie Gahimbari. Le taux de positivité nationale de COVID-19 a connu une hausse au cours des 4 dernières semaines. Le rapport de la situation sur la réponse à la pandémie due au coronavirus, publié le 11 de ce mois, en dénombre 4473 cas contre 3776 cas au cours des 4 semaines précédentes. Selon ce rapport, jusqu'au 10 septembre 2021, 374 personnes ont été déclarées guéries par les personnes testées positives. Parmi les personnes testées positives, Nicole Nininahazgui. Ce rapport de la situation sur la réponse à la pandémie due au coronavirus, publié le 11 du mois en cours, montre que le taux de positivité nationale de COVID-19 a connu une hausse au cours des 4 dernières semaines. Ces 14 derniers jours, on dénombre au total 2288 nouveaux cas de COVID-19. Parmi ces cas, on dénombre 2246 cas communautaires contre 2227 cas au cours de ces 14 jours précédents. Sur les cas de COVID-19 rapportés au cours des 4 dernières semaines, le nombre de nouveaux cas communautaires est de 4473 cas contre 3776 cas au cours des 4 semaines précédentes. Au cours des 4 dernières semaines, le taux de dépistage a considérablement augmenté. La moyenne journalière de nouveaux cas de COVID-19 rapportés est de 158 cas communautaires depuis le 21 juin 2021, date de début de la notification de nombre élevé de nouveaux cas de COVID-19, alors que cette moyenne journalière était de 20 cas communautaires. Cette évolution épidémiologique est la traduction de la résurgence de la COVID-19 au Burundi. Jusqu'au 10 septembre 2021, 374 personnes ont été déclarées guéries. Au total, 14 010 personnes guéries ont été enregistrées sur les 15 048 cas de COVID-19 traités au Burundi. 10 cas de COVID-19 dépistés au Burundi sont retournés en Tanzanie, pays d'origine, pour leur prise en charge. Dans cette période de 4 semaines, aucun nouveau décès n'a été rapporté. Les décès officiellement rapportés par le ministère de la Santé est de 12 cas sur les 15 048 prises en charge au Burundi. Nicole Nininahazgu. Deux enseignants bénévoles des communes de Wugawira et Vumbi en province de Kirundo ont été rayés de la liste des enseignants qui seront engagés par la fonction publique. Cette décision est tombée après une descente effectuée ce mardi par le ministre de la fonction publique et la commission nationale chargée des recrutements de ces enseignants et qui ont constaté des irrégularités lors de la correction des tests. Abdelhan Safari. La première qui a été rayée de la liste de ceux qui vont avoir de l'emploi dans le secteur de l'éducation est la conjointe du directeur communal de l'enseignement et également président de la commission chargée du recrutement en commune de Wugawira, Dusabe Paskazi. La ministre de la fonction publique, Domine Banyankimbona, a précisé qu'elle s'est rendue sur terrain en compagnie de la commission nationale chargée du recrutement pour enquêter sur les lamentations liées aux irrégularités lors de la passation des tests de recrutement et les corrections. Après vérification minutieuse, a dit Madame la Ministre, en commune de Wugawira, une femme du nom de Paskazi Dusabe, conjointe du directeur communal de l'enseignement, en même temps président de la commission communale chargée du recrutement en cette même commune, a postulé dans la commune de Wugawira alors qu'elle a bénévolé en commune de Kirundo. Or, la loi disait que le bénévole doit être recruté dans la commune dont il est soit natif ou résident. Le constat a été que du moins selon la ministre, Dusabe Paskazi réside en commune de Kirundo, malgré qu'elle a eu l'attestation de résidence de Wugawira et elle est native de la commune de Ruhororo en province de Ngozi. L'autre cas est celui de Vumbi où un certain Rukundo Justin, de niveau universitaire, avait été donné une note 9 points de plus sur la note réelle. La commission a pris la décision de rayer ce dernier de la liste et les lamentations étaient fondées surtout sur lui. Signalons que la commission nationale s'est réservé sur le sort réservé de la part des commissions ayant fait ces irrégularités. Depuis Kirundo, Abraham Safar pour la radio Isanganiro. Merci Abraham Safari. Il est 13h05 à Bujumbura et sur Isanganiro. Une fois n'est pas coutume, on passe à la chronique sur les messages de haine. Nous reviendrons sur d'autres informations après. Parle, rassure-moi. La chronique de ce mercredi nous parle de la surestime de soi comme façon de prolifération des messages de haine. Le sociologue Patrice Savugweba explique que s'estimer en soi n'est pas mauvais. Mais dit-il, c'est quand quelqu'un se surestime qu'il commence à dévaloriser les autres et par conséquent, il cherche à les déshumaniser par des messages violents. Oban Nyonguru. Selon ce sociologue, l'estime de soi n'est pas en soi mauvais. Plutôt, cela entraîne le sentiment de perfectionnisme et c'est à encourager. Quand on parle de surestime et de soi, c'est que quelqu'un qui se dit plus valeureux, qui se dit qu'il porte une identité supérieure à celle des autres, c'est qu'il dépasse la limite des autres. Pour Patrice Savugweba, c'est quand il y a surestime de soi que le sujet commence à mépriser ses pairs. Au départ, s'estimer, c'est bien. Estimer les autres, c'est encore mieux. Mais quand on dépasse les limites et que l'on se dit que l'on est supérieur, l'on est plus valeureux, l'on a une identité qui peut écraser les autres, qui peut dominer les autres, c'est ça le surestime qui est finalement un défaut et un défaut majeur dans une société, dans une communauté et même pour une nation. C'est un défaut majeur parce que l'autre qui est sous-estimé, quand quelqu'un se surestime, c'est qu'il sous-estime les autres, c'est qu'il ne donne pas une place de choix aux autres. La surestime de soi conduit alors à la prolifération des messages de haine, puisque l'auteur ne considère plus les autres comme des humains. Parce que le moment de se surestimer, c'est le même moment de ne pas estimer l'autre et finalement d'écarter l'autre dans le travail, d'écarter l'autre dans l'organisation de la société, dans toutes les organisations, même dans la vie politique. Et ça devient une façon de véhiculer la haine parce que celui qui va se sentir écarté, qui ne va pas se sentir estimé, il va essayer de se donner la place dans la communauté, de se donner la place dans la société, de se donner la place même dans le pays et il va se considérer comme un rebelle. Un rebelle, c'est celui qui revendique sa place et qui veut que les autres, ceux qui gèrent le pays, ceux qui gèrent la société, ceux qui gèrent le travail, ceux qui gèrent la communauté, l'estiment. Pour lutter contre ce comportement, Patrice Sabogueba dit qu'il faut d'abord un effort pour changer sa nature et puis d'éviter l'usage d'un langage déshumanisant. Merci Aubin Nyonguru. Et dans la suite de ce journal, je vous l'avais dit dans les titres, les élèves vivant à l'internat dans les écoles de la province Bouanza demandent à l'État d'octroyer des matelas et des lits à leurs écoles. Le peu dont disposent ces écoles sont très usés et on peut trouver même moins de 10 matelas usés partagés par 200 élèves. Et comme solution intermédiaire, les directeurs obligent les élèves à s'acheter eux-mêmes des matelas. Spes Caritas Kavanyana. Au lycée Bouanza, par exemple, l'école dispose de 6 matelas pour plus de 200 élèves selon les responsables scolaires à la direction provinciale de l'enseignement. À l'ETB, le directeur de cette école technique fait savoir que l'école dispose seulement de 21 matelas pour plus de 1000 élèves. À l'ETAB Gihanga, Institut technique agricole, l'école dispose de 80 matelas pour 400 élèves. Cela étant, les directeurs obligent aux élèves, surtout les redoublants et les nouveaux demandeurs de place, d'amener leurs propres matelas. Le peu de matelas et de lits dont disposent les écoles sont très usés, comme l'indiquent les responsables scolaires contactés. Un élève qui amène son propre matelas doit l'allonger à bas le sol. Est difficile donc d'installer les moustiquaires selon les élèves contactés. Les élèves demandent à l'État d'octroyer les lits et les matelas aux écoles à régime d'internat. Ils déplorent le fait que quand ils se reposent mal, ils étudient mal, ce qui fait des retombées négatives sur les résultats selon les mêmes élèves. À la direction provinciale de l'enseignement à Bouanza, on explique que ce problème de manque de lits et de matelas dans les écoles à régime d'internat est connu et que des rapports sont régulièrement donnés aux autorités hiérarchiques. Spes Caritas Kavanyana, Bouanza, Radio Isanganiro. Merci Spes. Les ouvriers de l'entreprise burundaise d'architecture et de construction EBAC, en sigle, sont missionnaires et ont gagné le marché de construction des écoles de Skeppers en zone Guihosha, quartier Ouinerekwa. Se plaignent qu'ils viennent de passer 3 semaines réclamant leurs honoraires de 2 mois et demi. Le contrat qui les lie avec cette entreprise stipule que leur paiement devrait intervenir toutes les 2 semaines selon ses employés. Et ils demandent qu'ils soient rétablis dans leurs droits. Jérôme Hakizimana. Ce sont certains des ouvriers de l'entreprise burundaise d'architecture et de construction EBAC en sigle, en cours de construction des écoles de Skeppers en zone Guihosha, quartier Ouinerekwa. Après près de 3 semaines réclamant leurs honoraires de 2 mois et demi, ils ont dit qu'ils ne savent pas à quel sens vouer, car beaucoup de rendez-vous leur ont été donnés, lesquels n'ont pas été tenus. Étendre leur téléphone mobile ou ne pas décrocher les appels de leurs ouvriers sont certaines des intrigues utilisées par les responsables de ce chantier de Ouinerekwa afin d'échapper à toutes sortes de pourparlers. Alors que bon nombre d'entre eux estimaient via ce chantier avoir les facilités dans le retour de leurs enfants à l'école, voire pouvoir se payer les loyers, ils indiquent n'avoir pas eu gain de cause. Ils déplorent plutôt la précarité de vie dans laquelle ils font face jusqu'à l'incapacité de régler le loyer pour les uns ou d'acheter le matériel scolaire aux enfants pour les autres. C'est au moment où le contrat qui les lie à l'EBAC stipule que leur paiement devrait intervenir toutes les deux semaines. Dis-moi, selon ces ouvriers lésés qui demandent d'être rétablis dans leurs droits. Nous avons essayé de contacter le chef de ce chantier, Winerekwa, sans succès. Nous continuons de le chercher. Jérôme Hakizimana, les Batois sont en mesure d'achever des formations diplômantes. L'exemple étant celui de Sewuji Chomartin, enseignant depuis 7 ans à l'école fondamentale Sanswe de la colline de Sanswe en commune de Muyinga. Il dit qu'il a connu beaucoup de difficultés, dont de longs trajets pour arriver à l'école. Mais les conseils de ses parents l'ont encouragé à continuer, comme l'affirme Kamana Marie-Rose, sa mère. Omer Ndouayo l'a rencontré. Bon, avant, voilà, bien qu'il a neza. Sewuji Chomartin, un homme de 37 ans. Il a fait la section des lettres modernes au secondaire et a suivi une formation pédagogique le qualifiant au métier d'enseignant auquel il vient de passer 7 ans. Ça m'a été difficile parce que dans notre famille, nous sommes pauvres. Quand j'étais à l'école primaire, certains enfants se sont moqués de moi parce qu'ils connaissaient que je suis moutois. Je faisais au moins 13 km en allant à l'école et les 13 km en retour. Ça me faisait très fatigué parce que j'arrivais à la maison très faim. Moi, je considérais les élèves qui étaient devant moi et je me poser la question. Pourquoi les autres sont là et moi aussi, je ne peux pas être là. Sewuji Cho pense que la pauvreté est le grand défi qui empêche les enfants batois d'aller à l'école. Quelques-uns abandonnent à cause de la pauvreté, manque d'habillement, des habits. Il y a aussi un manque, je dirais, les cahiers, les stylos et autres, des matériels scolaires. Pour arriver à ce stade, Sewuji Cho Martin doit tout à ses parents qui ont toujours été à ses côtés, comme l'affirme sa mère. Nous nous sommes réfugiés au camp des réfugiés de Ukole, en Tanzanie. Comme son père, je le sensibilisais à aimer l'école. Comme son enfant, sa mère se lève toujours pour rappeler aux enfants batois du village Sunzwe que l'avenir se trouve sur le banc de l'école. Lorsque l'enfant abandonne l'école, nous le sensibilisons, nous rappelons l'importance de fréquenter l'école. Souvent, ils ne respectent pas nos conseils. Et quand ils vont à l'école, ils se cachent dans des buissons pour retourner à la maison avec les autres. Il lance un appel aux jeunes batois de prendre exemple sur leurs amis qui ont connu une progression. Merci Omer Ndouayo. Et dans le reste de l'actualité nationale et internationale, en bref, à 13h15, le maire de la ville de Bujumbura, Jimmy Atungimana, promet de s'impliquer dans la lutte contre les boissons à degré d'alcool élevé vendues dans la ville de Bujumbura. Ce lundi, les administratifs à différents échelons se sont plaints comme quoi ces boissons sont consommées au vu de tout le monde et ont avoué ne pas pouvoir éradiquer ce fléau. Une bonne gouvernance dans les écoles, la multiplication des encadrements pédagogiques et la sensibilisation auprès des élèves sur l'importance des jeux et des arts plastiques pour développer l'intelligence. Voilà certaines stratégies adoptées qui seront utilisées pour améliorer le rendement scolaire dans les examens nationaux en province scolaire de Kayanza, comme l'a déclaré Désiré Atungimana, directeur de provincial de l'éducation à Kayanza. C'était hier en commune Gatara, c'est à l'occasion du lancement de l'année scolaire 2021-2022. Et l'ouverture en international, l'ouverture du procès relatif à des détournements dans le cadre du projet du parc agro-industriel de Bukangalonzo en RDC devrait avoir lieu le 25 octobre. L'ancien Premier ministre des Finances, Patrice Kibeti, et le patron de l'Africom Commodities sont accusés de surfacturation à hauteur de plus de 200 millions de dollars et d'en avoir détourné pour près de 4 millions de dollars. Sa défense estime que c'est un procès politique. Et l'opposant tanzanien Freeman Mbowe sera bientôt fixé sur son sort. Leader de Chadema, principal parti d'opposition dans le pays, comparé ce mercredi 15 septembre devant la Haute Cour de justice de Dar es Salaam. Il est jugé pour financement de terrorisme et complot terroriste. Son procès a déjà été maintes fois reporté. Il a été arrêté fin juillet pour avoir appelé à un rassemblement en faveur de réformes constitutionnelles. Une arrestation dénoncée par des organisations de défense des droits humains. Son procès suscite lui aussi des interrogations. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à Lydie Gahimbare pour la réalisation. Merci à Séraphine Hakizimana pour la mise en onde au micro. Jean Bosco Ndouimana a passé un très bon après-midi.